بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في السؤال 17 في هذا الكتاب. سئل الشيخ عفى الله له ما حكم قولي لا قدر الله. Donc en est-il de t'interroger, de dire qu'Allah ne prédestine pas cela. فأجاب رحمه الله تعالى لا قدر الله معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك والدعاء بأن الله يقدر هذا جائز. Donc il a dit que lorsqu'on dit la qadr Allah, c'est le sens d'une invocation, de demander que Allah ne prédestine pas telle et telle chose. Donc le fait d'invoquer cela, cela est permis. Cela est permis. Donc قول لا قدر الله ليس معناه نفي أن يقدر الله ذلك إذا أن الحكم لله يقدر ما يشاء ولكنه نفي بمعنى الطلب فهذا خبر بمعنى الطلب بلا شك فكأنه حين يقول لا قدر الله أي أسأل الله ألا يقدره. Donc il a dit, lorsqu'on dit en arabe la qadr Allah, c'est comme si on disait Allah n'a pas qadr, Allah n'a pas prédestiné cela. Ça fait une forme d'information. Et en réalité, comme on l'avait dit la dernière fois, car les invocations en arabe viennent sous forme d'information, comme on avait dit à propos de Rahimahullah, qui aurait le sens en apparent de Allah a fait miséricorde, alors que nous on veut le sens de que Allah fasse miséricorde. Donc là il dit c'est pareil, lorsqu'on dit la qadr Allah, c'est en fait c'est on demande à Allah, on demande que Allah ne fasse que cela ne soit pas prédestiné telle ou telle chose. Donc cela est permis car Allah il fait ce qu'il veut, il qadre ce qu'il veut. يقول واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغات العربية وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة. Donc il a dit c'est une chose qui est fréquente en langue arabe de prendre une forme, une phrase qui est une forme d'affirmation, d'information, et en réalité c'est une demande, une invocation. C'est comme si nous en français on disait par exemple tu disais par exemple Zayd a donné telle chose. Zayd a donné telle chose. Toi tu comprends que c'est une chose qui s'est passée, qui s'est produite, une information. Eh ben en langue arabe, cette phrase-là pourrait avoir le sens de que Zayd donne telle chose. Que Zayd donne telle chose. D'accord ? Ça peut être une forme de demande, en fait. Et ça peut même avoir une sens d'interdiction. Quand on dirait, par exemple, Zayd reste chez lui. Zayd reste chez lui. Comment on comprend ? On informe que Zayd est resté chez lui. Eh bien, en langue arabe, ça peut avoir également le sens d'une interdiction. Et même en français, quand on dit Zayd reste chez lui, c'est-à-dire Zayd ne sort pas, je lui donne l'ordre de ne pas sortir. On peut comprendre comme ça et comme ça en français. Ben en arabe, c'est pareil. Une phrase, une jumla khabariya d'information peut prendre le sens d'une demande ou d'une interdiction même. C'est ça que le shaykh veut dire par là. Naam. ثم قال سئل في السؤال الثامن عشر 18e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما رأيكم في هذه العبارة لا سمح الله لا سمح الله. Donc il a dit que pensez-vous de cette expression de dire Allah ne permet pas, Allah ne permet pas, ou que Allah ne permette pas. فأجاب رحمه الله تعالى أكره أن يقول القائل لا سمح الله لأن قوله لا سمح الله ربما توهم أن أحدا يجبر الله على الشيء فيقول لا سمح الله والله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مكره له. Donc il a dit je n'aime pas cette expression que l'on dit cela la samah Allah, en fait qu'Allah ne permette pas la chose, car cela ressemblerait, cela fait penser que la personne comme si elle forçait Allah de ne pas faire telle et telle chose, de ne pas permettre telle et telle chose, et Allah rien ne le contraint. Allah il est libre de faire ce qu'il veut, d'ailleurs c'est lui qui fait ce qu'il veut, c'est nous qui sommes contraints sous son autorité. Donc il a dit je n'aime pas cette expression là. Donc, à bien préciser, l'auteur, il a dit « akrah ». Il n'a pas dit « c'est makrouh » ou « c'est pas bon ». Lui, il a dit, son avis à lui, c'est qu'il n'aime pas cela. Car une chose qui est makrouh, lorsqu'on dit, par exemple, telle chose est makrouh, détestable, il faut un dalil. Et là, le shir parle selon lui. Lui n'aime pas cela. Donc, c'est une chose qui est importante à préciser. Puis, il cite le dalil dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que nul ne contraint Allah à quoi que ce soit. Nul ne contraint Allah à quoi que ce soit. Non. Donc il a dit وَالْأَوْلَا أَنْ يَقُولَ لَا قَدَّرَ اللَّهِ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ لَا سَمَحَ اللَّهِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ التَّوَهُمْ مَا لَا يَجُوزُ فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ. Donc il a dit, plutôt que de dire qu'Allah ne permet pas cela, mieux vaut dire qu'Allah ne prédestine pas cela. C'est-à-dire, on demande à Allah de ne pas prédestiner cela. Et cela est meilleur. Car cela donne moins l'impression de s'imposer sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais ça n'apparaît pas en français, pour les gens, on ne voit pas la différence, ben en arabe, il y a une différence entre les deux. Et celui qui veut plus comprendre, ben on l'encourage à apprendre plus de langue arabe, et cela lui paraîtra bizarre par la suite. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.